Ah, ils nous saoulent avec leur départemental, là, la télé. Non, mais franchement, on s'en fout, quoi. Et puis, avec toute cette histoire, ça se trouve, ils vont arrêter de diffuser les Marseillais à Thaïlande, quoi. Bah, de toute façon, avec Sarko, ça a pas marché. Avec l'autre Flamby, là, on voit bien ce que ça donne. Il n'y a plus qu'une solution, hein. Bah, on va essayer Marine. Ah ouais, il n'y a pas le choix, hein. Ils vont peut-être comprendre comme ça. Et puis, en plus, les départementales, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Ça concerne personne. Et ils arrivent à gaspiller des millions avec mes impôts dans des trucs qui servent à rien. Enfin, moi je paye pas d'impôts, mais les impôts du voisin, quoi. Au moins avec le FN, tout ça, ça sera mieux géré, hein. C'est vrai, hein. À quoi ça sert de donner des sous à des vieux pour des soins alors que de toute façon ils vont crever? Et donner des sous à toutes ces feignasses à qui ils peuvent pas se bouger le cul pour trouver du boulot? Putain, la bondo la crise, hein. Et les collèges, non mais n'importe quoi, moi de mon temps on avait pas d'ordinateur ou de télé, hein. On était là pour apprendre et puis c'est tout. Et les routes aussi, c'est eux qui font ça. Super. Il faudrait mieux nous faire des belles 4 voies plutôt que de mettre des ralentisseurs partout. Quoi? La culture aussi? Eh ben voilà une source de revenus facile. Avec le FN, tout ça, ça va sauter. On pourra enfin trouver des sous pour que je sorte du RSA. Et puis comme ça, je pourrais aussi emmener mes enfants un peu au cinéma. Et puis ma mère, je pourrais la mettre dans une maison de retraite, quoi.